pas de panique, nous les pauvres. Oh ouais, ouais, ouais. Et soudain la scène y fait rage. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Et le ciel est noir de fumée. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Et l'on murmure dans les étages. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Mais où sont passés les pompiers? Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Il n'y a plus de temps à perdre. Sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, la case, on entend les pompiers crier. Ohé, ohé, ohé, où sont passés les juifs, les tuyaux, où est passée la grande échelle? Et où sont passés les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Ohé, ohé, ohé. Qui se noue et je vomis tout d'ailleurs. J'en plus l'ennemi de poumon, je suis moitié comme pas bien. Mes jambes elles vont toutes seules, elles vont là d'où ça vient. Quand la cliquette donne, quand la cliquette donne, quand la cliquette donne, quand la cliquette donne, quand la cliquette donne, quand la cliquette donne. Mon chapeau part à gauche, à droite, devant, derrière. Mes gants issus des gouttes de ma peau à travers. J'ai mes os qui vont plus, je suis moitié comme pas bien. Oui, oui. Mes jambes elles vont toutes seules, elles vont là d'où ça vient. Quand la clique elle donne, quand la clique elle donne, quand la clique elle donne. Quand la clique elle donne, quand la clique elle donne, quand la clique elle donne. Et le reste, on s'en branle. Quand que j'aurais pu arquer, quand j'aurais pu bon qu'à faire la gote sur le côté. Quand les masques lourds qui sont sans pitié, d'un cocu d'un fin fond de la bande m'en verront dinguer, avec à manger à Wame, je ferai figue, figue, figue, manne, pour avoir l'air d'un con, avec mon bâton, bâton, j'enverrai les côtes, je ferai sucer mon petit poisson. Quand mon pagne, il va pencher en bas, l'air de dire je veux te bien mais je peux te pas. Quand que mes gants ISO ont changé de couleur, qui a plus qu'au bud et au bel mer que mon petit frappeur. Avec à manger à Wame, je fais figue, figue, figue, manne, pour avoir l'air d'un con, d'un con. Avec mon bâton, bâton, j'emmerrai les coques, je leur ferai sucer mon petit poisson. Je lance contre Lille. Étant Lensois contre un Lillois en face de moi, on a fait un non-match. On a loupé notre match, il est vrai. On a loupé des derbies depuis beaucoup d'années. Mais on va se rattraper sur la saison à venir. Après, on a un chanteur parmi nous, Paul Artus. Si tu peux faire un concert au micro. Si tu peux faire un concert. Tu chantes Ricard Dax ? Ouais, allez. Charles Ricard Dax, je suis complètement pété. Elle veut qu'on s'embrasse, qu'on fasse toute la noche. Et je suis dans un zion, je bois, j'ai encore déconné. Je fais la disson, oh chi, casse de ma cahier. Je suis rapta dans la coche et je vais ski la policia. Mon agui dans la kini, pipi la cocaïna. Je suis complètement pété. Elle veut qu'on s'embrasse, qu'on fasse toute la noche. Et je suis dans un zion, je vois, j'ai encore déconné. Je fais l'addition au ticasse de ma cahier. Merci Paul Artus. En showcase, en showcase toutes les semaines au plus fort. Merci monsieur. On se retrouve après. Je vais finir mon interview. Faut que je fasse ça sème là-dessus. Hein. Après, mes signes pro d'ailleurs.